Les mots qui se terminent en t, t et en français se terminent en ta en italien, t a accent grave. Donc, par exemple, pour université, vous direz Università. Università. Et l'università, c'est l'université. Que donnerait la facilité en italien? La facilità. Facile se dit facile et non pas facile. Ah, facilità. La facilità. C'est ça. La facilità. Les mots qui en français se terminent en L, E-L ou AL, A-L, donnent ALE, A-L-E en italien. Par exemple, individuel se dit individuale. Et normal, allez-y. Normale. Normale. Et normalement, comment traduiriez-vous ce mot? Normalemente. Quand on forme un mot en mente, en italien, à partir d'un adjectif en le ou en re, on supprime d'abord la dernière lettre de cet adjectif. Si on a normale. Normalmente. Normalmente, oui, normalmente. Et si on a personale, quel est le mot en mente correspondant? Personalmente. Personalmente, oui. Comment diriez-vous général? Generale. Generale, oui. Et généralement? Generalmente. Et spécial, comment diriez-vous ça? Speciale. Speciale. Speciale, oui. Maintenant, dites-moi spécialement pour vous. Spécialmente. Spécialmente per lei? C'est ça. Specialmente per lei. Comment diriez-vous la spécialité de la maison? La specialità di la casa. Je vous rappelle que di la se contracte en un seul mot. Della. D-E-2-L-A. Donc, la spécialité de la maison se dit... La specialità della casa. Mm-hmm. La specialità della casa. Dans cette phrase, on a un di placé entre deux noms. La specialità et la casa. Mais on peut aussi l'utiliser dans d'autres cas, en général dans les mêmes constructions qu'en français. Traduisez par exemple « je n'ai pas le temps de le faire maintenant ». Non a... Je n'ai pas... Non ho... Non ho... Non ho il tempo. Oui, ou alors tout simplement « non ho tempo », « je n'ai pas de temps ». Non ho tempo de le faire. Di farlo. Oui, non ho tempo di farlo. Maintenant. Ora. Non ho tempo di farlo ora. Donc là, nous avons vu un emploi de di qui est le même que son équivalent français de, entre un nom et un verbe. En revanche, c'est différent dans des phrases comme ce n'est pas possible de le faire maintenant. C'est-à-dire quand on a le verbe être et un adjectif, puis le mot de. Dans ce cas-là, le de français ne se traduit pas en italien. Donc, comment direz-vous ce n'est pas possible de le faire maintenant? Non è possibile? Oui, ce n'est pas possible de le faire maintenant. Rappelez-vous, c'est que je viens de vous dire au sujet du mot « de ». Non è possibile farlo ora. Non è possibile farlo ora. Voilà. On met parfois « di » après certains adjectifs. Mais Ce n'est pas la règle générale. Donc ici, c'est tout simplement non è possibile farlo ora. Intéressons-nous maintenant à la phrase je voudrais avoir l'occasion de le voir la prochaine fois. Vous devinerez facilement la traduction du mot occasion. C'est presque la même chose en italien. Pour commencer, vous allez dire je voudrais avoir. Vorrei avere. L'occasion. L'occasione. L'occasione, oui. L'occasione de le voir. Di vederlo. Vederlo, oui. La prochaine fois. Le mot fois se dit volta. V-O-L-T-A. Volta. Comme dans volte-face. L'origine des deux mots est la même. C'est l'idée de tour, de tourner. La prochaine fois, en fait, c'est le prochain tour. Comment direz-vous ça, la prochaine fois? La prossima volta. Attention à l'accentuation. Vous avez repris votre accent français. La prossima. La prossima volta. La prossima volta. C'est ça. Donc, reprenons la phrase depuis le début. Vorrei avere, je voudrais avoir, l'occasione di vederlo, l'occasion de le voir, la prossima volta, la prochaine fois. Vorrei avere l'occasione di vederlo la prossima volta.